Donc je me présente très rapidement, même si ça a été déjà fait. Je suis donc Xavier Zunigo, comme ça a été précisé. Je suis directeur d'un cabinet d'études, de recherche qui s'appelle Aristat. Pas plus directement sur le sujet qui nous concerne. Je suis consultant en organisation du travail, sociologue du travail. Et j'ai notamment travaillé, et je travaille toujours d'ailleurs, pour le cabinet Technologia, pour lequel j'ai dirigé un ensemble de diagnostics importants. J'ai été responsable du diagnostic France Télécom, Sciences Po, Conseil d'État. Et la vice-présidente à la région a dit que la région était un objet d'étude des RPS et omis qu'il y avait actuellement un diagnostic sur l'administration régionale dont je suis également le responsable. Donc je vais parler en fait de ma pratique qui, je considère, est une forme de pratique d'observation participante, puisque j'interviens donc comme expert agréé par le ministère du Travail pour les CHSCT. Et que j'étais un peu objet, je fais partie de l'objet des présentations, donc je vais réorienter un petit peu la mienne. Je voulais parler des acteurs, de comment ils réinterprètent la question de la santé au travail, la question des RPS, mais il y a plein de choses qui ont été très bien dites avant, donc je vais accélérer un petit peu. Ce qu'on constate, c'est donc dans toute la plupart des études sur les conditions de travail, c'est qu'il y a depuis une vingtaine, trentaine d'années, une dégradation des conditions de travail, une explosion des TMS, enfin, il y a un ensemble de phénomènes qui font que il y a une dégradation. Moi, je l'observe dans la plupart des études que j'ai pu mener. Et récemment, il y a quelques années, il y a une petite dizaine maintenant, même si cette instance était bien plus ancienne, il y a un acteur dans l'entreprise qui gagne en légitimité, qui devient une arène, comme on peut l'appeler, où la question des conditions de travail, de la santé au travail, de la souffrance au travail, même si je ne suis pas un grand adepte de ce terme, peut être débattue, en tout cas où les acteurs de l'entreprise s'en saisissent. Donc c'est un nouvel espace de lutte sociale où on reparle à nouveau des conditions de travail. On constate ce gain en légitimité par l'investissement notamment des délégués syndicaux qui sont beaucoup plus présents dans les CHSCT. C'était une instance qui était peu légitime avant, où c'était un peu un placard à syndicalistes, pour le dire très rapidement et de façon un petit peu provocatrice. Et on voit maintenant un réel réinvestissement des acteurs pour se ressaisir des questions. Je reviendrai rapidement dessus. Comme ça a été dit précédemment, c'est un lieu qui, en tout cas, participe dans l'entreprise à imposer un nouveau vocable. Il y a un nouveau vocable qui est celui des risques psychosociaux et de la souffrance au travail dont les acteurs se saisissent. Acteurs de l'entreprise, les RH, les IRP, donc les représentants du personnel, mais également les salariés. Je vais citer très rapidement un extrait d'entretien d'une responsable RH d'une institution que j'ai citée précédemment. Avant, on était sur un vocabulaire ouvrier. On m'exploite, etc. Et maintenant, on me parle de harcèlement et de souffrance. On a remarqué un changement. Il devait avoir compris que pour que l'on agisse, il faut qu'il s'exprime comme ça. Quand on fait des réunions, toutes les parties parlent comme ça, de harcèlement, de souffrance. Donc voilà ce qui... naturellement, quand on est sociologue, on est très content qu'on a un enquêté qui vous sort une phrase pareille. Donc voilà. Donc en fait, c'est un espace... c'est un vocable qui s'impose, qui paradoxalement... impose la défense des conditions de travail avec comme véhicule un vocable qui est psychologisant, qui est celui de la souffrance au travail. C'est un cheval de Troie dans les luttes sociales, dans l'entreprise, d'après moi. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie de vos consultants parle pas de leur spécificité individualisante. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces arènes qui s'occupent de santé, on parle très peu de santé, on parle très peu de psychologie, on parle beaucoup d'organisation du travail, de conditions de travail, tout en nommant ça souffrance au travail ou risques psychosociaux. Enfin, dans psychosociaux, il y a quand même sociaux, on l'oublie souvent. C'est une manière de... Par exemple, moi, je travaillais, la première fois que j'ai travaillé pour Technologia, j'étais avec une médecin psychiatre. Quand elle m'a envoyé son travail, elle m'a fait une analyse quasi-sociologique de la fonction RH de l'entreprise. Et c'est moi, sociologue du travail, qui ai parlé de la santé et de la santé psychique des salariés, ce qui m'a pour le moins surpris. Et la plupart des psychologues parlent d'organisation du travail, en tout cas ceux avec lesquels je travaille. Donc, ce vocabulaire qui s'impose, qui est retravaillé, qui est, je suis tout à fait d'accord avec la dimension stratégique. Hein, on est dans une arène, un champ de force. C'est un endroit de lutte. C'est le meilleur moyen, en fait, de recollectiviser un ensemble de luttes, de revendications, en parlant de l'individu. Alors ensuite, il y a différents acteurs. Et quand je dis que c'est un champ de force, c'est que c'est un jeu qui est la plupart du temps assez complexe, qui se passe dans l'arène, le CHSCT, qui se passe dans les couloirs, qui se passe dans plein d'autres endroits. On peut cependant, par souci de simplicité, identifier un certain nombre d'oppositions assez classiques que la plupart doivent connaître. Ce qu'on a vu, c'est l'émergence des RPS. On a eu le technocentre avec Renault, qui a été, en tout cas au niveau médiatique, la grande affaire qui a lancé cette histoire d'analyse des suicides et des RPS. Ensuite, on a eu France Télécom. Puis d'un seul coup, en tout cas dans ma pratique, ce que j'ai constaté, c'est que les directions se sont ressaisies. D'abord, elles se sont équipées juridiquement. Et surtout, elles se sont ressaisies de la problématique en la requalifiant de qualité de vie au travail. Donc on a une tension très forte entre on veut promouvoir la qualité de vie au travail et on veut prévenir les risques psychosociaux. Risques psychosociaux étant négatifs, hein, naturellement. Il y a pour les directions une mise en avant des causes personnelles. Ça a été évoqué précédemment. Donc on essaie de cibler les problèmes, de les circonscrire à des problèmes personnels des individus. Ou bien, et c'est plutôt les représentants du personnel et les cabinets qui défendent cette posture-là, on met en avant les causes professionnelles. Autre position assez classique, on va privilégier la prévention primaire, ça a été présenté très rapidement, donc c'est-à-dire un ensemble de dispositifs d'action qui s'attaquent aux causes, ou bien on va mettre en avant la prévention tertiaire, c'est-à-dire une prévention qui s'attaque aux conséquences et qui est par exemple les tickets psy qui ont été dont on a parlé tout à l'heure, les cellules d'écoute, etc., qui sont bien sûr des dispositions beaucoup plus beaucoup moins coûteuse que de s'attaquer à l'organisation du travail. Dans tous les cas, dans ces tensions-là, il y a, je trouve que l'expression est heureuse, une pression à agir. On est dans un univers d'action, on est dans un univers où qui n'est pas mu par un pur intérêt de connaissance. Donc c'est un univers où l'entreprise, hein, où il se passe rarement pas grand-chose, en tout cas rien. Il y a des obligations légales qui sont très très importantes, qui pèsent sur les acteurs. C'est des thèmes qui sont consensuels, la santé, la souffrance. Il y a peu de grands directeurs d'entreprise qui s'y opposent, en tout cas qui disent qu'il faut rien faire. Et puis il y a des enjeux de communication et d'affichage très forts. Donc il se passe des choses. Ce qu'on constate, c'est que quand la tension est trop grande entre les petits schèmes d'opposition là que j'ai mis en avant, c'est-à-dire que quand la direction parle de qualité de vie au travail alors que il y a un ensemble de personnes qui sont dans des situations de détresse certaines, ou quand elle veut mettre en place des cellules d'écoute plutôt que de questionner réellement le travail, alors les CHSCT ont le droit de faire intervenir pris dans mon flot de parole, un animal étrange, qui sont les cabinets de consultants agréés par le ministère du Travail. C'est quand même quelque chose d'assez phénoménal de pouvoir faire rentrer dans l'entreprise des acteurs complètement étrangers à l'entreprise et qui prennent la main. C'est-à-dire une fois qu'on est mandaté, on peut rentrer dans l'entreprise avec le désaccord de la direction. Ça s'appelle le mode régie. Et il faut rappeler que dans le droit français, enfin le seul juge normalement c'est l'employeur. Donc c'est une situation très très très très surprenante. Et ces acteurs-là, je reprends vos conclusions que je fais miennes, sont là pour produire une analyse objective. En fait, c'est de l'apport de capital culturel, pour le dire de cette manière-là, dans l'entreprise. C'est-à-dire que le champ de force est profondément... les luttes sont profondément inégales entre un DRH issu d'une grande école Et un représentant du personnel issu du petit personnel, c'est par exemple emblématique dans les banques. Dans les banques, vous avez 95% de cadres et 100% d'employés qui représentent le personnel. Voilà. Donc quand vous êtes dans un contexte de lutte pareil, vous imaginez bien que c'est une lutte inégale. Donc l'expert CHSCT, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec un corpus théorique, avec une façon de parler, une façon de mettre en perspective les choses. Il arrive, grâce à sa formation, à imposer un point de vue d'autorité, du moins un point de vue d'autorité temporaire, et qui est une opération en fait qui s'inscrit dans les luttes continuées. C'est-à-dire souvent dans les CHSCT, ce qu'on vous dit, d'accord, mais on fait quoi après avec votre rapport? Bon, bah effectivement, s'il n'y a pas de volonté de la direction d'en faire quoi que ce soit, le rapport ne sert pas à grand-chose. Simplement, ces luttes, elles s'inscrivent, pour en parler à la direction, à l'ancienne direction de France Télécom, dans une histoire. Voilà. Et un rapport, ça a un poids, parce qu'un rapport, ça se ressort. Et c'est ce qui s'est passé pour les personnes qui actuellement sont jugées pénalement pour le cas de France Télécom, puisqu'on a ressorti plus d'une centaine de rapports CHSCT indiquant, de tout cabinet, indiquant un certain nombre de dysfonctionnements, et que ces obligations de prévention n'ont pas été respectées. Donc je suis d'accord avec vous, c'est des acteurs qui, d'après moi, ça dépend naturellement de la qualité des intervenants, sont des acteurs qui objective les choses dans un cadre qui sont extrêmement contraint. C'est vrai que par rapport à la première intervention, quand vous intervenez dans une entreprise, il y a peu de temps de réfléchir sur les outils utilisés, parce qu'il y a cette pression à agir, et qu'on est supposé être expert et donc avoir réfléchi avant d'intervenir. Donc ça aide à objectiver, et ça résout pas les problèmes. Donc voilà, ça peut, comme vous l'avez dit, être une aide à la résolution des conflits, à rendre actif un certain nombre de thèmes dans l'entreprise, à savoir celui de la santé au travail et des risques psychosociaux.